Bonsoir à tous, bienvenue dans la seconde émission Écoutez, y a rien à voir, une promenade sonore et culturelle proposée par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis pour voyager ensemble dans les arts et par les mots. Notre rendez-vous sera consacré ce soir au peintre impressionniste Edgar Degas, suivi d'une interview d'Alex Adargent, auteur, metteur en scène et directeur de la troupe Spleen Théâtre située à Conflans-Sainte-Honorine. Le Spleen Théâtre qui présentera sa pièce Osiris, les 11, 12 et 13 octobre prochains au Théâtre Blanche de Castille à Poissy. Et à nos côtés, pour nous accompagner dans cette évasion, la voix chaleureuse et la chronique à consommer sans modération de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RGB 99.2 FM. Bienvenue dans un monde sans images et pourtant empli d'imagination. L'étoile, s'agit-il d'un tableau ? Même sa date de création est floue. Vers 1876, me direz-vous. Et alors ? Et alors, tout et rien. Tout parce que ce pastel présenté par Edgar Degas à la troisième exposition impressionniste de 1877 associait le peintre déjà à la poignée d'artistes qui allaient mettre le feu aux poudres et révolutionner la peinture académique de leur temps. Monet, Cézanne, Manet, Sisley, Pissarro, Renoir. De son vivant, déjà, Edgar Degas était célèbre pour ses tableaux sur la danse. On l'appelait le peintre des danseuses. Peinture, dessin, sculpture de danseuses ont contribué à faire de lui aujourd'hui un des artistes les plus appréciés du 19e siècle. Bien qu'il ait peint nombre d'autres sujets, Degas était obsédé par la danse. Plus de la moitié de son œuvre y est consacrée. Tout et rien. Parce que ce chef-d'œuvre de Degas n'est qu'un instantané d'émotion. Le geste retenu d'une danseuse étoile sur le parquet du tout nouvel opéra de Paris. Et pourtant, Degas, en homme curieux, se passionnait pour les nouveautés techniques de son époque, et notamment l'apparition de la photographie. Il pratiqua lui-même cet art avec finesse pour immortaliser de nombreux portraits, à commencer par le sien. Edgar Degas, né en 1834. Il vivra toute sa vie à Montmartre, le quartier des artistes à Paris. De formation classique, il apprend à dessiner le corps humain et à révérer l'art des maîtres anciens. Mais comme Monet et Renoir, et les autres artistes devenus célèbres sous le nom d'impressionnistes, Degas cherche rapidement son inspiration dans le monde qui l'entoure. Il est d'abord attiré par des scènes historiques, mais il ressent bientôt le besoin de peindre des sujets modernes, dans un style radicalement nouveau. Il choisit des jockeys, des danseuses et des chanteurs de cabaret. Il peint des portraits de blanchisseuses, une profession de piètre réputation. Aucun de ces sujets n'avait jusqu'alors été considéré digne du grand art. Mais pour Degas, ils font partie de la vie quotidienne. Les tableaux que lui et ses amis impressionnistes exposent sont attaqués et dénigrés par de nombreux critiques, alors même qu'ils révolutionnent la peinture du XIXe siècle. Le jeune Degas grandit au sein d'une famille qui adore la musique. L'opéra de Paris n'est qu'à quelques minutes de sa maison. L'étoile, s'agit-il d'un tableau ? Même son nom est flou. Appelé parfois aussi ballet, parfois l'étoile, cette restitution d'un moment de spectacle oscille entre l'équilibre et les applaudissements. Par sa composition, d'abord, qui laisse se confronter deux mondes. Celui des coulisses, qui occupe en arrière-plan toute la mi-hauteur de la toile. Monde à peine dégrossi, travaillé par touches d'orange, de vert, de bleu. Puis, au premier plan, l'univers dépouillé de la scène sous les feux des projecteurs, là où la danseuse étoile s'expose comme un nénuphar blanc à fleurs de parquet. Ensuite, par son point de vue de l'action. En photographie ou en cinéma, on dirait son angle de prise de vue. Ici, l'artiste a choisi de traiter le sujet dans une agréable et saisissante plongée, comme si lui-même s'était posté avec son chevalet à courte focale dans l'une des premières loges du théâtre. C'est d'ailleurs ce qu'exprime très bien Brigitte Lefebvre, directrice de l'Opéra de Paris de 1995 à 2014, lorsqu'elle affirme, en parlant de Degas, « Son œil, c'est comme une caméra ». Dans la peinture de Degas, moi, ce qui me fascine beaucoup, donc c'est bien évidemment le sujet, c'est-à-dire la danse, mais la manière dont il place ce sujet, la danseuse, les danseuses, le cours de danse ou d'autres éléments, et l'angle de vue qu'il y a. C'est un cinéaste pour moi. Il a une façon d'apprécier le point, c'est-à-dire que son œil, c'est comme une caméra, et il y a une espèce de perspective. Et ça me fascine beaucoup parce que je suis chorégraphe, et en fait, un chorégraphe, il se doit aussi de changer l'espace, de le transformer. Et lui, il a ça. Il a peut-être un œil à la fois cinématographique et chorégraphique. Mais le peintre-photographe va encore plus loin. Tout comme certains de ses premiers clichés réalisés sur plaque de verre au collodion, Degas aime jouer avec la profondeur de champ de son dessin. Ainsi, non seulement nous, spectateurs, avons la chance de dominer l'élégance de la danseuse étoile, mais notre regard est picturalement aimanté par le visage légèrement renversé en arrière de cette gracieuse. Un peu comme si ses yeux mi-clos se trouvaient être à la surface d'un plan d'eau et le reste de la composition en retrait, dans une onde de plus en plus troublante et troublée, accompagnée par le nuage vaporeux et évanescent d'un tutu généreux où s'accrochent les feux or et bleu des projecteurs. C'est en 1855, à l'occasion de l'exposition universelle, que Degas découvre pour la première fois la photographie. Très vite, il s'équipe en matériel. Il aime réaliser ses clichés le soir. Il dispose pour cela de nombreuses lampes dont il dirige soigneusement les faisceaux. Les modèles sont obligés de poser de longues heures. Et nous lui devons, par exemple, un rarissime cliché de Renoir et Mallarmé, réalisé en 1895 et conservé à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris. dans son dessin au pastel, l'étoile, tout comme dans ses travaux photographiques, Degas a soigneusement placé ses sources d'éclairage. Il donne de l'importance sensible aux lèvres, aux joues, aux gestes, aux bras délicatement ouverts et à la jambe admirablement pliée de la danseuse étoile, abandonnant dans un rayonnement plus discret, plus feutré, le fond de scène, les coulisses, ou, parmi les ballerines, un mystérieux admirateur, un galant homme en haute forme, un abonné de l'opéra, observe en retrait, en mi-teinte. Degas est de plus en plus fasciné par la vie des coulisses. Ce qu'il veut saisir, c'est ce que le public ne voit pas. La silhouette floue dans les coulisses crée une tension dramatique. Hors de la vue du public, mais pas de l'œil de Degas, un homme en haute forme se glisse parmi les filles moites et demi-nues. S'agit-il encore d'un tableau ? L'étoile de Degas, à contrario de la technique photographique de l'époque, qui ne laisse vivre l'espace qu'en noir et blanc, explore et mélange les couleurs du pastel pour obtenir des présences nuancées, des absences suggérées, des mouvements suspendus. Oui, on entend dans ce pastel le souffle retenu des 2000 spectateurs de la salle bondée de l'Opéra Garnier. On devine l'instant précédent où la danseuse prenait son élan pour effectuer une nouvelle figure. On attend déjà la minute suivante où elle sera rejointe par le corps de ballet. En prêtant l'oreille, on entendrait presque la musique. Non, on la devine. Cinq, six, sept, huit, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, fermez cinquième. Et un, deux, et pli, et pli. Et pli, croisez, croisez, croisez la quatrième. Maintenant restez. Un, deux, retrouvez la cinquième avant de descendre sur les deux pieds. Et un, et deux, et trois, et quatre. Et restez, trouvez la cinquième. Tic, tac. Maintenant tout de suite, pas de bourrée, posez coupé, pas de bourrée. Tic, tic. Pièce immense, très claire. C'est une salle de danse de l'Opéra de Paris. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le foyer de la danse à l'Opéra est une toile célèbre qu'Edgar Degas a peint en 1872. Le peintre aimait les diagonales et la perspective, la lumière et la construction de l'espace. En 1873, un incendie détruit l'Opéra où Degas avait découvert la danse. Heureusement, celui que nous connaissons était déjà en construction. Le Palais Garnier est le plus grand, le plus somptueux, le plus coûteux théâtre du monde. Le gala d'inauguration en janvier 1875 est l'événement le plus éclatant que Paris ait jamais connu. La magnifique salle rouge et or peut contenir 2000 personnes. L'opéra devient l'endroit le plus à la mode de Paris. Degas y passera beaucoup de ses soirées. focalisant notre attention sur la gauche du tableau, ce qui nous frappe le plus, c'est la présence d'un grand espace vide. Seulement 4 danseuses occupent la flèche de parquet qui s'en va mourir dans un coin du studio de répétition. Située au premier plan, la première gracieuse est vêtue d'un bustier et d'un tutu blanc comme l'ensemble des autres élèves. Sa taille est soulignée par un large ruban de satin noir dont le nœud devient papillon sur les reins. Elle est en position de salut, le buste légèrement penché en avant, la tête haute. Sans doute vient-elle de finir son enchaînement. Et elle écoute, attentive, les remarques et corrections apportées par le maître de séance sur son travail. Derrière elle, 3 ballerines attendent leur tour. L'une d'elles est tournée vers nous, une main posée sur la barre, l'autre laissée à l'abandon sur le tulle de sa robe. Elle semble totalement absorbée par l'observation de sa congénère et doit écouter, elle aussi, les recommandations du chorégraphe. Les 2 autres, elles ne sont pas trop à la classe. Elles chuchotent entre elles, s'étirent, s'échauffent, sans faire plus attention aux exercices en cours. Si l'on s'intéresse à présent à la partie droite du tableau, le foyer de la danse à l'opéra. Ce qui nous interroge cette fois, c'est bien l'occupation de l'espace. Et oui, par contraste, rien moins que 6 danseuses, un musicien, sans oublier le professeur de danse, sont présents. Degas, dans son foyer de la danse à l'opéra, nous propose un décor en 3 temps. Premier temps. À l'extrême droite. Ce côté jardin pour les artistes. L'annonce d'une porte close en bois sombre par lequel sans doute sont entrés les élèves. Nous laisserons dehors toute personne étrangère à la leçon de danse. Et à cette époque, les nombreux prétendants. Deuxième temps. Au centre, se pavane en arrière-plan un miroir monumental en forme d'arc-boutant, flanqué de 2 fausses colonnes en marbre. Des bas-reliefs. Ornées elles-mêmes de faux chapiteaux en stuc. C'est cette glace monumentale, indispensable à l'art chorégraphique, qui nous permet d'ailleurs de nous projeter dans le volume caché de la salle de répétition. Découvrant de l'autre côté d'autres danseuses appuyées au mur opposé et attendant elles aussi leur moment de répétition. Troisième et dernier temps. À l'extrême gauche. Côté court pour les artistes. Juste derrière notre ballerine à ruban de jaïs, nous observons une double porte dont l'un des battants, resté entrouvert, nous laisse deviner la profondeur d'une autre salle de danse, furtivement traversée par un triangle de tutu et un balayage de chaussons. Entre 30 et 40 ans, Degas s'imprègne de l'atmosphère de la salle de cours, observant les danseuses et ce qu'elles font, en action ou au repos. Presque à la manière d'un photographe de presse. Et pourtant, malgré tout son réalisme, Degas ne fait pas que reproduire ce qu'il voit. À partir de la matière brute qu'est la danse, il produit des œuvres extraordinaires. Elles saisissent l'essence même de son époque. Aucun artiste sérieux n'avait peint la danse avant Degas. Rapidement, il en fait sa spécialité. Sa peinture est reconnue pour sa délicatesse et la finesse de son exécution. Pour Degas, le ballet est un sujet idéal qui lui permet de travailler le corps humain en mouvement et de montrer des figures contemporaines en action. Ses filles, très peu vêtues, au vu des critères de l'époque, en choquaient certains et plaisaient à d'autres. Mais l'objectif de Degas n'était pas seulement d'émoustiller, c'était de dire: voici comment sont les choses. Une porte à droite. Entrée. Un miroir au centre. Scène. Une porte à gauche entrebâillée. Sortie. L'artiste peintre ajoute au mouvement de la danse celui des entrées-sorties d'un théâtre fictif, comme si ces demoiselles étaient déjà sur la scène de l'Opéra Garnier. Et par la magie de ses pinceaux, l'artiste a bien raison de nous suggérer que les cours de danse sont déjà de vrais spectacles. Proposé comme un instantané photographique, la toile de Degas, le foyer de la danse à l'opéra, est vibrante de lumière. L'ocre et le beige sont presque partout. Sur les murs, où ils prennent la profondeur uniforme des enduits. Sur le sol, où ils se diluent en parquet flou, flottant, presque nuageux. Par terre léger sur lequel reposent les fleurs soyeuses des danseuses, ces blancs délicats, enfantés par les tenues vaporeuses des tutus et le costume, trois pièces du maître de cérémonie. Et pourtant, dans ce foyer de l'opéra de la fin du XIXe siècle, aucune fenêtre apparente. C'est le flot de la lumière. Rendu par un travail pictural admirable sur la clarté dégressive des blancs. Qui nous fait ressentir la cascade éclairante des grandes fenêtres situées hors champ. Probablement sur la droite du tableau. Mais néanmoins si présente. Le nouveau et magnifique théâtre national de l'opéra, le Palais Garnier, ouvre ses portes en 1875. Pendant plus de 10 ans, Degas y assistera aux spectacles et aux classes de danse. Avec ses confrères, il monte la seconde exposition impressionniste. Presque la moitié des 20 œuvres que le peintre expose traitent de la danse. Il y a Degas qui brille, le reste est fou, matériellement fou et laid, dira un critique. Malgré son attachement au groupe, Degas fait de plus en plus figure d'outsider. Il peint de plus en plus de scènes de ballet, très appréciées par les collectionneurs, et réalise aussi de nombreuses sculptures en cire, dont la fameuse petite danseuse de 14 ans, qui, exposée en 1881 à la 6e exposition impressionniste, déchaîne les controverses. Voilà, on aurait pu vous parler de Degas pendant longtemps, mais si vous souhaitez en savoir plus sur l'artiste et son goût immodéré pour le monde de la danse, il existe de nombreux ouvrages sur son œuvre. Mais nous vous proposons de consulter plus particulièrement le film documentaire « La danse et Degas ». Un film de Micha Scorer, édité sous forme de DVD chez Arte Vidéo en 2006. Vous avez pu ainsi profiter de plusieurs extraits musicaux et sonores issus de ce document, mais aussi de la voix de Samy Frey. Vous pouvez surtout aller voir l'exposition « Degas à l'Opéra » qui vient d'ouvrir ses portes au Musée d'Orsay à Paris et qui s'installe jusqu'au 19 janvier prochain. Enfin, côté musique, la danse chinoise, la danse des roseaux et la valse des fleurs du casse-noisette de Tchaïkovski ont charmé vos oreilles dans une archive sonore plutôt exceptionnelle, un enregistrement de 1948 de l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la baguette de Serju Celibidache. Edgar Degas meurt en 1917 à l'âge de 83 ans. On l'appelait le peintre des danseuses. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Fermez cinquième. Et 1, 2, et pli, et pli, et pli. Oui, vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM au cœur de l'émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Un voyage sonore qui ne manque pas d'air et encore moins d'imaginaire. Après l'archive sonore du Petit Train Rébus, interlude créé par Maurice Bruno pour l'ORTF et qui apparaît sur les écrans pour la première fois le 15 septembre 1960, voici le moment tant attendu de la chronique de Fabienne. Et oui, cet été, lors d'une soirée de causerie familiale, j'ai eu une discussion que je souhaitais vous faire partager en substantifique moelle. Nous étions en train de regarder le travail d'un photographe artistique et chemin faisant, nous étions arrivés, ma sœur et moi, à parler de l'influence que pouvaient avoir les critiques, bonnes ou mauvaises, sur le travail d'un artiste, quel qu'il soit. Voici en résumé nos divagations accompagnées, je dois bien l'avouer, de quelques breuvages du sud de la France, d'un petit rosé de Provence et d'une petite bière blonde de Sassenage de Vercors. La critique est toujours constructive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais l'artiste ne doit pas se laisser influencer par elle. S'il fait des concessions pour plaire, il perdra sa veine, son caractère authentique. Il en sera fini de cet artiste, s'éloignant de sa sincérité qui est essentielle dans le travail de la création. Il doit rester honnête et ne pas chercher à plaire et à traverser son travail. C'est le seul moyen d'aller au plus près de ce phénomène qu'est la création. Bien sûr, si la critique est bonne, il sera un artiste comblé, obtenant la reconnaissance de ses pairs et du public. Son ego sera reconnu, chose primordiale à tout être humain, et lui permettra de vivre de son art, et ce n'est pas rien. Mais la création, avec un grand C, n'en a que cure de la reconnaissance au fond. Sinon, quid de tous ces artistes sans reconnaissance, tous auraient arrêté, sans exception. Et oui, le véritable artiste continue de créer. Quoi qu'il arrive, il ne peut en être autrement. Pour lui, c'est vital, son existence en dépend. Il est comme habité par ce miracle impérieux qui s'apparente à de la thérapie, non ? Le processus de création vient de l'intérieur. Il ressemble fort d'ailleurs à la naissance du nouveau-né, et peut-être douloureuse. Mais ce mécanisme psychique permettant d'exprimer son intimité et d'écouter ses fantasmes fait prendre des risques. C'est là, somme toute, la première difficulté à assumer. Dévoiler cette vérité à soi et aux autres. Ainsi, après une deuxième petite bière de Sassenage, blanche cette fois-ci, nous pensons que l'artiste doit sortir de son cadre habituel, quitter sa zone de confort, sans jeu de mots, pour le peintre ou le photographe d'ailleurs, afin de ressourcer son inspiration. Comme quand Fabienne Verdier explique qu'elle s'est retrouvée en véritable danger sous un orage dans la montagne de la Sainte-Victoire, n'écoutant que son besoin de communion avec les éléments déchaînés de la nature pour en capter les énergies, en s'installant délibérément sous la tempête sa toile pour peindre, comme Paul Cézanne, un siècle plus tôt, l'avait fait dans la même montagne. Mais qu'entend-on par artiste, l'essentiel n'étant pas d'être reconnu après tout, chacun, chacune ayant au fond de soi des trésors qu'il ou elle n'ose probablement pas dévoiler. Alors je vous invite, solennellement, chers auditeurs et auditrices, à vous mettre en création, là, maintenant, sans perdre un instant, sans concession, sans tabou, par n'importe quel moyen, coûte que coûte, à en découdre avec votre créativité enfouie, à vous confronter à ce phénomène singulier qu'est la création. Peu importe les commentaires, les remarques, car il y a au fond de vous des sources à découvrir. Pensez à Louise Bourgeois, artiste franco-américaine, qui durant sa prime enfance modelait la mie de pain durant ses repas familiaux. C'est là, à table, avec ses parents, durant des années, qu'elle a façonné son devenir de sculptrice plasticienne. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, certes ce beau raccourci n'explique pas tout. Elle a suivi les cours de différentes écoles comme celle des Beaux-Arts, mais la première expérience de création fut celle de cette mie de pain. Anecdote racontée à l'une de ses biographes. Allez, sur cette entrefaite, je vais aller éplucher mes légumes. Peut-être que cela me donnera libre cours à mon imagination, à mon inspiration artistique. Avec un petit verre d'ailleurs. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser bien tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Eh bien, merci Fabienne pour cette chronique, j'ai envie de dire très, très arrosée. Le véritable artiste continue à créer quoi qu'il arrive. Voilà, on retiendra cette superbe phrase. Thank you.